On va parler de la Ligue senior du lac au fleuve avec l'attaquant des constructions de l'avenir, Frédéric Mérette. Salut Frédéric. Salut Denis. Frédéric, ça a été une première défaite cette année, 4 à 2 contre le CHS de Saguenay. C'est une équipe, évidemment, c'est deux matchs serrés jusqu'à maintenant entre les deux formations, là. Oui, tout à fait. Saguenay, ils ont encore une bonne équipe comme l'an dernier. C'est sûr qu'on a eu plusieurs chances de marquer. On a eu, je pense, au-dessus de 50 lancés. Ouf, le gardien était solide. Oui, il y a eu une très bonne performance. On a eu manqué d'opportunisme, mais nous, de notre côté, c'est bien aussi là d'avoir vécu la défaite. Faut apprendre à perdre, la saison sert à ça. Donc, faut apprendre à dégager mieux le devant de filet. Faut apprendre à être plus responsable défensivement. Donc, on va apprendre de tout ça. OK. C'était le gardien de but qui a fait la différence dans le match. Comment tu trouves ta saison jusqu'à maintenant? Ah, c'est sûr qu'on est toujours exigeant vers soi-même. On voudrait toujours faire plus. J'ai seulement un but depuis le début de l'année en 5 matchs. C'est pas dans mes habitudes. J'ai toujours été habitué de continuer plus. C'est sûr que j'ai pas bougé de l'été. Faut se remettre dedans. On joue jamais avec les mêmes joueurs non plus. Ouais. Dans le senior, la première moitié de saison, c'est surtout pour retrouver l'exécution. On va essayer de trouver des trios avec qui que ça va. Ça va bien aller, donc de mon côté, j'essaie de prendre les démarches qu'il faut pour retrouver l'exécution. Je me suis trouvé une ligue de hockey à Québec pour bouger un petit peu la semaine. Je joue à Wendake avec les gars de la nouvelle équipe senior là-bas. Est-ce que tu joues avec Donald Beshear? Non, il n'est pas dans notre ligue de la semaine, mais il est supposé jouer plusieurs matchs cette saison. OK, ça fait spécial un peu jouer quand on a un ancien gars de la Ligue nationale qui joue du 1500 matchs, hein? Ah, c'est sûr qu'il y a encore une prestance. Puis le gars, même si il a 47 ans, il est quand même en forme encore. Donc oui, effectivement, c'est bien d'avoir quelqu'un comme ça dans notre vie. OK. Si on parlait un peu, je reviens sur toi, Frédéric. T'as dit c'est dur pour moi, j'ai pas bougé de l'été. C'est-tu bien dur de s'en remettre en forme? C'est-tu dur pour la motivation et ainsi de suite? Non, c'est pas difficile. C'est sûr que l'été, on en profite pour décrocher. Là. On est quasiment à la saison senior, quand même un 5-6 mois. Donc, on n'a aucune fin de semaine avec. C'est sûr, nos blondes, ils veulent qu'on prenne du temps avec eux l'été. Ben oui. C'est sûr que le début de saison, là, il est toujours plus difficile un petit peu. Mais c'est fait pour ça. Hein, la première partie de saison, comme tu expliquais tantôt, c'est de se remettre dedans pour avoir se préparer pour les séries. Puis avoir une bonne deuxième moitié de saison. C'est pas évident non plus d'avoir un nouveau compagnon de trio à chaque fois, là. Ben, c'est sûr que le senior, hein, beaucoup de gars qui travaillent, beaucoup de monde de l'extérieur, fait que c'est pas évident de tout le temps avoir un alignement complet, donc on n'est jamais avec les mêmes personnes, donc trouver une chimie, c'est sûr qu'on a vu qu'en plus on est en début de saison, c'est plus difficile, mais je suis pas inquiète, là, on a tellement des bons joueurs dans l'équipe. Ça va venir. Déjà, on voit déjà une progression. L'important, c'est de progresser. Comme les autres équipes aussi. Ouais. Exactement. OK. Mais il faut être motivé, hein, Frédéric. T'es pas d'ici. T'es pas. Tu viens d'ici, mais tu demeures à Québec maintenant. Oui. Je parlais avec Maxime Lévesque la semaine passée. Ben, c'est la même affaire avec Maxime. Lui, il part de Sept-Îles pour venir ici. Il faut être motivé en tabarouette. Là. La blonde, comment elle trouve ça, hein? La blonde, elle aime ça. C'est ouais. Juste que, puis moi, de mon côté, ben, tu sais, ma famille, tout le monde est à Saint-Félicien, donc, ça me permet de venir voir mes amis, ça me permet de venir voir la famille. Donc, c'est pas un problème pour ça, mais, c'est certain que ça prend du temps, ça prend les fins de semaine, As-tu l'intention de jouer pas mal tous les matchs? Je vais essayer. C'est sûr que moi, je travaille le vendredi jusqu'à 20h. Fait que quand on a des matchs le vendredi soir, ça va être plus difficile. Le samedi, je finis de travailler à 16h. Fait que j'arrive tout le temps limite au warm-up. Fait que j'essaie d'être là le plus possible selon mon horaire de travail. À Miranda, j'ai été capable d'être là tous les matchs. Là, j'essaie de me libérer le plus possible et d'être engagé à 100% avec mon horaire. OK. Je reviens sur l'équipe. C'est pas facile de trouver une coordination. T'as dit tantôt, nouveau compagnon de trio, toujours, mais normalement, quand tu as des compagnons de trio, tu travailles en entraînement, tu joues. Mais là, tu pratiques pas en même temps. Tu pratiques pas avec des compagnons de trio. Non, c'est pas l'affaire. C'est pas facile. Je peux pas pratiquer avec l'équipe non plus, vu que je suis Québec, l'équipe pratique le vendredi. Okay. Donc, c'est tout ça. En fait, c'est pour ça que j'ai essayé de me trouver une équipe de compétition de semaine ici pour au moins là, bouger puis garder l'exécution. Fait que au moins comparativement à l'an passé, j'ai été capable de me trouver une équipe à Québec pour jouer la semaine. Fait que c'est positif pour cette année. Ouais. Frédéric, un gros merci. Au plaisir de se reparler, puis on va se voir en fin de semaine. Je vais aller voir Donald Beshear. C'est une attraction là, de Donald Beshear dans la ligue. Là. Oui, ben, j'ai hâte de voir s'il va être de l'alignement. Là. C'est sûr que ça serait plaisant pour les partisans. Ouais. Puis, ça devrait amener du monde, effectivement. Ouais. Donc, on va parler. Donc, Frédéric Mérite, l'attaquant des Constructions d'Avenir.